Bonsoir. Dans votre temps n'importe l'histoire aujourd'hui, Varian Fry, un héros américain dans la France de Vichy. Le 14 août 1940, un Américain de 33 ans, élégant, distingué, avec $3000 cachés dans ses chaussettes, débarque à la gare Saint-Charles à Marseille. Quel choc pour l'intellectuel new-yorkais. D'abord, la beauté saisissante de la ville, mais surtout, le spectacle terrible des milliers de réfugiés qui arrivaient de toute l'Europe cherchent désespérément à fuir la France occupée par les nazis. Mandaté par un comité de secours américain, Varian Fry, c'est son nom, a pour mission de fournir des visas à 200 personnalités, des politiques, des artistes et des intellectuels pris au piège dans la France de Pétain. Arrivé pour 15 jours, l'Américain se battra en réalité pendant un an à Marseille, se démenant sans relâche contre les autorités de Vichy, mais aussi contre celles de son propre pays. N'hésitant pas à user de moyens illégaux, il réussira l'exploit de faire sortir quelques 2000 personnes de France. L'histoire de Varian Fry, c'est aussi celle de l'hétéroclite communauté qui l'a réunie à Herbel, cette villa marseillaise où, dans l'angoisse, se sont réfugiés tant de poètes, d'artistes et d'intellectuels. André Breton, Arthur Koestler, Hannah Arendt, Marcel Duchamp et bien d'autres. Un concentré de la culture européenne qui bientôt s'exilera aux États-Unis. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Emmanuel Loyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris, spécialisée dans l'histoire culturelle. Vous êtes l'auteur d'un livre, Paris à New York, consacré aux intellectuels et aux artistes français qui sont partis en exil, justement, entre 1940 et 1947. Et Varian Fry, donc, est un des personnages de cette histoire tragique, même si, bien sûr, il n'est pas le seul à avoir aidé des Européens à fuir. Il sera le premier, d'ailleurs, premier Américain, je crois, à recevoir la médaille des Justes, attribuée à ceux qui, pendant la guerre, ont porté secours à des Juifs. En réalité, Varian Fry, pendant très longtemps, est resté inconnu. Sa redécouverte, finalement, est assez récente, les années 90. Oui, tout à fait, absolument. C'est vrai que ça fait une vingtaine, trentaine d'années. Il est resté inconnu. Il a eu d'ailleurs, lors de son retour aux États-Unis après cette action à Marseille, il n'a pas non plus été tellement reconnu aux États-Unis. Il a écrit un livre qui n'a pas eu un succès très grand. Et finalement, il est mort en 1967, tout à fait inconnu. Alors, c'est vrai que c'est aussi lié, évidemment, à toute l'histoire de la mémoire juive, toute une historiographie qui s'est transformée et qui s'est beaucoup intéressée en France, mais assez récemment, à cette histoire de l'exil français aux États-Unis. Et donc, vous êtes une spécialiste, Emmanuel Loyer. Alors, l'histoire que je vais raconter, dans un instant, commence le 1er décembre 1940. Comment se fait-il qu'à l'automne 1940, autant de réfugiés venus de toute l'Europe, juifs ou non-juifs, se retrouvent comme ça à Marseille? C'est-à-dire qu'il y avait déjà depuis... Paris était devenue une des capitales des réfugiés germanophones depuis 1933, finalement. Tout au long des années 30, s'accumulent des vagues de réfugiés de l'espace allemand et autrichien. Qui ont fui le nazisme. Il y avait déjà aussi les réfugiés de la révolution russe aussi. Hein. Donc il y a toute une strate, mais enfin essentiellement... Tout un monde, je dirais, de la social-démocratie, des communistes, des intellectuels, beaucoup juifs, pas tous, des écrivains, des artistes. Et en 1939, au moment de la déclaration de guerre, ces gens, dont Hannah Arendt, Walter Benjamin, sont enfermés en fait dans des camps d'internement. Parce qu'ils sont allemands. Parce qu'ils sont allemands et donc ils sont... Donc ça, c'est sous la Troisième République. Absolument. Et lorsque la guerre commence et finit assez tôt, en mai-juin 40, la convention d'armistice... L'armistice qui est signé le 22 juin par Pétain. Absolument. Contient un article qui est toujours resté un article considéré vraiment comme infamant, l'article 19, qui impose au nouveau régime, qui va être le régime de Vichy, de livrer sur demande... les opposants, enfin ceux que les nazis veulent récupérer, c'est-à-dire justement tous ces opposants socialistes, communistes, ces artistes révolutionnaires, etc. Donc c'est d'ailleurs le livraison sur demande C'est d'ailleurs le titre en anglais du livre de mémoire de Varian Fry. Donc c'est pour cela que tous ces exilés, déjà, qui vont connaître un double exil, en réalité, ces exilés germanophones, se retrouvent à Marseille, qui devient une sorte de porte de sortie d'une Europe qui s'est transformée en une nasse. Et tous ces gens veulent partir en Amérique, essentiellement Amérique du Sud ou Amérique du Nord. Oui, l'un ou l'autre, ça dépend. Et tous ces gens auxquels il faut désormais ajouter aussi les Français, parce que n'oublions pas que dès juillet 1940, il y a déjà des dénationalisations, il y a les statuts anti-juifs depuis l'automne 1940, donc un certain nombre de Français, à juste titre, se sentent également menacés. Et ce Varian Fry, donc, de 33 ans, qui débarque à Marseille en août 40, qui est-il ? C'est un homme, comme vous l'avez dit, élégant, qui vient de la bonne société de la côte est des États-Unis, qui a fait ses études à Harvard et qui s'est spécialisé dans les relations internationales, travaillant assez rapidement dans un monde de revues, d'associations, et qui va se caractériser, c'est vraiment ce qu'on appelle « liberal » aux États-Unis, c'est un homme de gauche, on va dire, non pas un libéral, mais un homme de gauche, et qui, je crois, a pour caractéristique surtout de connaître l'Europe. Il est venu à Berlin en 1935. Il sait ce que c'est que le nazisme. Absolument, il a un choc et il comprend tout de suite. Et donc, il se caractérise par un engagement très anti-isolationniste. Qui est la position des États-Unis à ce moment-là. Oui, l'isolationnisme. Oui, voilà, c'est ça. Donc il est, en effet, il fait partie des gens qui sont une minorité, mais enfin qui sont assez actifs dans le monde libéral américain, pro-Roosevelt évidemment. Roosevelt, les élections là arrivent aussi à l'automne 40, il est à nouveau réélu. Et donc c'est au nom aussi de cet engagement nécessaire de l'Amérique, des États-Unis pour l'Europe qui souffre, en tout cas un engagement anti-nazi bien sûr, que Varian Fry, dès les milieux des années 30, fin des années 30 à New York, a finalement fréquenté tout un monde de réfugiés parfois qui sont déjà là-bas. Il s'intéresse aussi à la guerre d'Espagne. Et il connaît un peu la situation européenne et il va se porter volontaire pour aller à Marseille, disons, être le représentant de ces associations et notamment l'association... Emergency Rescue Committee, c'est ça ? Voilà, qui a été créé juste après l'armistice pour essayer de sauver justement certains intellectuels. Oui, alors il y avait tout un tas d'associations, dont celle-là, mais qui montrent aussi que la société... je dirais, de gauche américaine, est très active et met en place tout un tas d'associations qui sont entre le lobbying, la philanthropie. Avec des motivations religieuses, parfois. Alors, des motivations religieuses, disons que parfois, c'est surtout des associations d'entraide, par exemple juives, mais aussi syndicalistes. Ça fonctionne parfois aussi par segments professionnels d'entraide transatlantique, mais qui contrastent avec la politique américaine du département d'État, qui, elle, est très restrictive à l'égard des réfugiés. Emmanuel Loyer, je propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Varian Fry, un héros américain dans la France de Vichy, un texte de Marc Elfer, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Christophe Hoquet. Le portrait de Pétain est partout. Vive le maréchal. Vive la Révolution nationale. Je rajouterai bien quelques petits commentaires sur les affiches, mais cet homme qui m'observe, avec son imperméable et son chapeau en feutre, un flic probablement. 15 minutes qu'il me suit depuis la guerre de Noailles. Impossible de le semer. Il va me contrôler, c'est sûr. Heureusement, je n'ai rien de compromettant sur moi. J'espère que Danny a suivi mes consignes et qu'il a caché l'argent et les faux papiers en lieu sûr. Ce sont les pistolets confiés par les Anglais qui m'inquiètent. Si la police les trouve, on est foutu. Marseille, 1er décembre 1940. L'homme aux cheveux noirs, élégamment habillé, une paire de lunettes à monture d'écaille sur un nez pointu, qui est pris en filature par la police, s'appelle Varian Fry. Cet Américain de 32 ans, arrivé au mois d'août en France, dirige le Centre américain de secours, une organisation caritative qui vient en aide aux réfugiés dans la cité phocéenne. cette association sert de paravent à une mission secrète qui lui a été confiée aux États-Unis. Fry doit faire sortir d'urgence de France 200 personnes. Parmi elles, des artistes, des savants et des opposants politiques au régime nazi. La plupart sont allemands et menacés par l'article 19 de la Convention d'armistice du 22 juin 1940. L'État français s'est en effet engagé à livrer à la Gestapo, sur demande du Reich, des réfugiés allemands qui avaient trouvé asile dans le pays. Depuis son arrivée à Marseille, Varian Fry a réussi à organiser une filière d'évasion efficace vers les États-Unis via le port de Lisbonne, en passant clandestinement par les Pyrénées-Orientales et l'Espagne. Mais la police de Vichy commence à s'intéresser de près aux activités illégales du jeune Américain. Avez-vous un passeport ? Oui. Est-il authentique ? Oui. Avez-vous des garants aux États-Unis qui pourraient vous héberger, vous non. aider à trouver du travail ? Non. Ne vous inquiétez pas, c'est pas important, on vous en trouvera. Êtes-vous en danger si vous êtes expulsé en Allemagne ? Oui. Attendez, excusez-moi. Une minute, je reviens tout de suite. Hello, Nanny. Varian, vous avez une minute ? Mm-hmm. J'ai quelque chose d'important à vous montrer dans le bureau. Vous avez vu dehors ? Mais je ne vois rien. La voiture en bas. Il y a deux hommes à l'intérieur. Ils étaient déjà là hier. Je les avais pas repérés, ceux-là. Nous avons un autre souci. Le téléphone ne fonctionne pas très bien. Tenez, écoutez. Vous avez entendu ? C'est bizarre, non ? Allons dans la salle de bain. Nous sommes sur écoute. Alors ne dites rien d'important au téléphone. Il faudra fouiller toutes les pièces et vérifier qu'il n'y a pas de micro caché. Vous savez où est Danny ? Il est sorti. Il revient au bureau dans l'après-midi. Dites-lui de me retrouver au Basso à partir de 20h. Bye, Danny. Nous sommes dans les bureaux du CAS, le Centre américain de secours, rue Grignan. La grande et jolie blonde de 31 ans qui interroge une réfugiée est Mary Jane Gould. Cette riche américaine, qui menait une vie insouciante à Paris avant la guerre, est une proche collaboratrice de Fry. Nanny, c'est son surnom, transmet souvent ses messages en main propre dans des missions de liaison. Elle s'est totalement investie dans son travail et a mis sa fortune au service du CAS. Elle a présenté à Fry l'un de ses amis, un certain Daniel Benedict. Ce jeune Français de 28 ans, socialiste et ancien fonctionnaire à la préfecture de police de Paris, est devenu très rapidement le bras droit de Varian Fry. Les deux hommes se retrouvent souvent au Basso, un restaurant près du Vieux-Port. Salut Varian. Qu'est-ce qu'il y a au menu, soir ? Que des emmerdements. On vous a suivi, Danny ? Ah, je les ai bien baladés, ils se sont perdus en route. Vous vous êtes occupé des chocolats anglais que je vous ai donnés l'autre jour ? Je les ai enveloppés dans des torchons. Ils sont au frais. J'ai également mis les provisions pour l'hiver dans des boîtes à biscuits. J'ai tout enterré dans un lieu sûr. Vous pouvez dormir tranquille, ils ne trouveront rien. Notre ami du service des étrangers à la préfecture, il m'a contacté. La Gestapo est venue fouiner dans ses dossiers. Ça sent mauvais. Il est urgent que certains de nos clients partent en vacances. On peut compter sur Dina pour un départ rapide ? Non, Dina est grillée, les gendarmes la surveillent. Hans, Elisa ? Aucun problème avec la route F. Bon, on leur envoie des clients la semaine prochaine. Vous êtes libre demain soir ? Mm-hmm. Ça tombe bien, j'aimerais vous inviter à la Dorade. La cuisine est très bonne, le restaurant bien fréquenté. Vous verrez, l'ambiance est exotique. Il y a des Corses, la bande Aguerini, souhaiterait nous aider à organiser des voyages. C'est risqué, non ? Vous les connaissez bien ? Il y a peut-être des indicateurs de la police parmi eux. Non, je crois qu'on peut leur faire confiance. En tout cas, ils détestent vraiment Pétain. Bon, on commande ? Je meurs de faim. Garçon, s'il vous plaît. Après leur dîner, Fry et Benedict rentrent au château. C'est ainsi qu'ils appellent la villa Herbel, une vaste bastide rectangulaire de deux étages qu'ils louent dans le quartier de la Pomme, à une demi-heure en tramway de la Canebière. Cette maison de 18 pièces est occupée par plusieurs membres du CAS et leurs familles. Parmi les nombreux locataires, on compte le chef de file du mouvement surréaliste, André Breton, sa femme Jacqueline Lamba et leur fille Aube, ainsi que le révolutionnaire trotskiste, l'écrivain Victor Serge. Tous les soirs, André Breton organise des jeux surréalistes. Malgré les menaces qui pèsent sur le château et ses occupants, une véritable atmosphère de liberté et de gaieté y règne. Bonjour André. Vous avez bien dormi ? Tenez, Madame Nouguet a préparé du café national. Merci. Cette infusion de gland de chêne est vraiment infecte. Sans sucre, mais c'est imbuvable. Tiens, je crois que nous avons de la compagnie ce matin. Vous avez vu tout ce beau monde dehors ? Merde, la police. Police, ouvrez ! Messieurs, vous êtes bien matinaux. Qu'est-ce que vous désirez ? Nous avons ordre du préfet de fouiller la maison. Mais pourquoi ? Suspicion d'activité communiste. Il n'y a pas de communiste ici, on vous a mal renseigné. Laissez-nous passer. Vous avez un mandat de perquisition ? Voilà. Mais ce mandat n'est même pas signé. Je refuse de vous laisser entrer. À vous la merloc, fermez-la. Allez, poussez-vous. Réunissez tous les locataires dans la salle à manger et procédez à la fouille. Je proteste, vous ne respectez pas mes droits, je vais appeler mon consulat. Vous n'avez aucun droit, monsieur Fry. Ne faites pas l'hypocrite. Vous savez très bien pourquoi nous sommes ici. Monsieur, ne criez pas. Il y a des enfants, vous leur faites peur. C'est quoi ce dessin ? Qui a écrit ce terrible crétin de Pétain ? Ça vous fait sourire, monsieur Breton ? Ah, vous vous méprenez. Il faut lire ce terrible crétin de putain. Il n'est pas du tout question de notre brave maréchal. Vous, le poète, ne faites pas le mariole. À qui appartient ce revolver ? C'est mon arme de service. J'étais officier médecin dans l'armée. Il n'est pas chargé. Port d'armes prohibées, propagande bolchevique anti-pétainiste. Votre compte est bon, monsieur Breton. Et vous, monsieur Fry, nous allons examiner tranquillement au poste tous les documents saisis dans votre chambre. Allez, tout le monde dans le panier à salade. Dimanche, 8 décembre 1940. Eileen. J'ai vécu un vrai cauchemar cette semaine. Tous les habitants du château ont été arrêtés. Nous avons été détenus, sans aucune explication, sur un paquebot, en compagnie de près de 600 autres prisonniers. On ne m'a pas autorisé à contacter un avocat, ni le consulat. À ce qu'il paraît, près de 20 000 personnes auraient été arrêtées et parquées sur d'autres paquebots et dans des salles de cinéma. Notre détention était liée à la visite en ville de Pétain, les 3 et 4 décembre. Toutes les personnes suspectes de troubler l'ordre public ont été arrêtées. Nous avons été libérés au bout de 3 jours, après le départ du maréchal de Marseille. La police a saisi les lettres que tu m'as envoyées depuis mon départ de New York et ne me les a pas rendues. Ça me rend fou. Tu me manques, Eileen. J'entends les fauvettes chanter dans le parc. La pinède sent le romarin et la résine. L'air est si doux. Je voudrais tant te tenir dans mes bras, mon chaton. Ah, encore un, sur le muret. Vous avez vu comme il est beau, cet escargot ? Vous savez, André, que les escargots ont des orgasmes qui durent près de 4 heures. Oh, taisez-vous, malheureux. Nous avons suffisamment de problèmes comme ça. Pour Vichy, la joie et le plaisir sont responsables de l'effondrement de la France. Ne parlez surtout pas d'orgasme. En tout cas, on aura à manger ce soir. Le sac est plein. Rien de neuf pour nos visas ? Non, le gouvernement n'accorde toujours pas de visa de sortie. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai proposé ? Prendre un paquebot à Lisbonne et traverser clandestinement les Pyrénées ? Notre filière est sûre. Non, avec Jacqueline et ma fille, je ne veux pas prendre de risques. N'attendez pas trop, je ne sais pas combien de temps je pourrai encore rester à Marseille. Vous comptez nous quitter ? Vous ne vous plaisez plus dans notre bel état policier ? C'est l'internement des étrangers et le nouveau statut des juifs promulgué par Vichy qui vous révulse ? Disons que mes rapports avec la police ne sont pas vraiment au bout fixe. Vous avez peur ? André, j'ai tout le temps peur. Peur qu'on ne me laisse pas achever ma mission. J'admire votre courage. Pourquoi faites-vous tout ça ? J'ai eu un aperçu de la barbarie nazie quand j'étais à Berlin en 1935. Une horreur macabre est en marche. Je ne peux pas rester les bras croisés. À ma manière, je lutte contre la débâcle de l'esprit, mais c'est moins dangereux. Faites attention, Varianne. Fin décembre 1940. À Marseille, les queues s'allongent devant les magasins d'alimentation. Dans la ville très mal approvisionnée, la nourriture se fait de plus en plus rare. Le pain est rationné, il n'y a plus de sucre ni de matière grasse. Une vague de froid exceptionnelle frappe la ville qui est recouverte de neige. La température descend jusqu'à moins 11 degrés. À Herbel, les habitants de la villa dorment emmitouflés dans leurs manteaux. Au centre américain de secours, le climat est tendu. La police vient d'arrêter Bill Fryer, un membre important du réseau de Fry. Ce caricaturiste autrichien réalisait des faux papiers et falsifiait des visas de transit portugais. Une autre mauvaise surprise attend bientôt Varian Fry, lorsqu'il rend visite à Hugh Fullerton, le consul général des États-Unis à Marseille. Mr. Fry, que me vaut l'honneur de votre visite ? Juste quelques démarches administratives. Je dois renouveler mon passeport. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Merci. Et il sera prêt quand ? Je regrette, Fry, mais j'ai reçu des instructions du département d'État. Quelles instructions ? Je ne peux renouveler votre passeport que pour un départ immédiat aux États-Unis. Et il ne sera valable que pour une durée de 2 semaines. Quoi ? Je comprends pas, là. Vous pensez rentrer bientôt à New York ? Mais je n'ai pas l'intention de rentrer. Je n'ai pas encore achevé mon travail ici. Vous comprenez la gravité de votre situation. Ma situation ? Mais de quoi parlez-vous ? La Sûreté nationale a un dossier sur vous. Le directeur de la police de Marseille m'a dit qu'il sera obligé de vous arrêter si vous ne quittez pas la France de votre plein gré. Que me reproche-t-on ? On vous suspecte d'aider des réfugiés à s'évader du territoire français. C'est absurde. Et vos activités embarrassent notre gouvernement. Les États-Unis tiennent à maintenir des relations amicales avec le maréchal Pétain. Mais je vous assure, mon association ne fait rien d'illégal. N'attendez aucun soutien de nos services. Et ne comptez plus sur l'aide de Hiram Bingham. Je sais que le vice-consul derrière mon dos vous a généreusement fourni des visas pour vos amis juifs. C'est fini, il va être muté. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Bingham ne nous aide d'aucune manière. Je suis désolé, Fry, mais j'ai demandé au département d'État de contacter l'Emergency Rescue Committee afin qu'il vous rappelle. Quoi ? Vous avez fait ça ? Rendez-moi mon passeport. Non, je le conserve. Prévenez-moi quand vous serez prêt à partir. Fry, je vous conseille amicalement de ne pas prolonger votre séjour en France. Quelle sale hypocrite, ce Fullerton. Je vous conseille amicalement de ne pas prolonger votre séjour en France. Je commence à déranger beaucoup de monde en haut lieu, on dirait. Rentrer à New York ? Hors de question. Trop de gens dépendent de moi. Ils veulent m'intimider ? Eh bien, ils vont me trouver. Et je suis curieux de voir leur fameux dossier. Si la police avait des preuves, Vichy m'aurait déjà expulsé depuis longtemps. Je ne vais pas leur faciliter la tâche. Bonjour, chef. Vous en faites une tête ? Venez, on va sur le balcon, Danny. Les murs ont des oreilles ? On n'est jamais assez prudent. Des problèmes ? La police compte m'arrêter si je ne quitte pas le pays. Elle aurait un dossier sur moi. Qui vous a dit ça ? Fullerton. Il a confisqué mon passeport. Merde. Vous partez quand ? Je n'ai pas l'intention de quitter Marseille. Je reste, Danny. Et vous, vous allez m'aider à faire du CAS une association honorable aux yeux de Vichy. Elle est bien bonne, celle-là. Et on va faire comment ? On pourrait imaginer un comité de patronage, avec des personnalités bien en vue, comme André Gide ou Henri Matisse, par exemple, pour parrainer notre œuvre de charité, non ? Ça nous donnerait un petit air de respectabilité. Oui. Et pourquoi ne pas élargir l'action sociale du CAS à des Français dans le besoin ? Il y a en zone libre beaucoup d'Alsaciens et de Lorrains qui ont été chassés de chez eux. Oui, et alors ? Leur situation est exécrable. Les autorités nous reprochent d'aider uniquement les étrangers et les juifs. Si nous nous occupons également de bons Français, Vichy nous trouvera peut-être un peu plus acceptable. Vous avez raison. Et puis le talon d'Achille du CAS, c'est sa trésorerie. Elle n'est constituée que de liquidités changées au noir. Imaginez si la police vérifie nos comptes. Vous pouvez les bidonner pour les rendre légaux ? Oui, on peut imaginer des dons réguliers de nos mécènes Peggy Guggenheim et Naimi. Et même d'autres donateurs fictifs. Une chose importante, si la police décide de fermer le CAS, nos comptes ne doivent pas être trop créditeurs. Compris, chef. La police ne nous confisquera pas grand-chose. Et notre vraie comptabilité ? Avec les justificatifs de nos dépenses pour les faux papiers, les planques et les passeurs ? J'en fais quoi ? Vous l'enterrez, le lieu habituel. La police ne doit rien trouver de compromettant, ni dans nos bureaux, ni au château. Marseille, 20 janvier 1941. Aileen, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas en danger. J'ai senti dans ta dernière lettre ton désarroi. Tu veux que je rentre à New York. Je suis désolé, c'est impossible. Si seulement tu voyais tous ces réfugiés qui vivent dans la peur comme des bêtes traquées. Je suis leur dernier espoir. L'Emergency Rescue Committee ne comprend pas l'horreur qui règne ici. Ils me reprochent d'avoir allongé inconsidérablement leur liste et d'en faire trop. Ils me demandent de rentrer immédiatement, mais qu'ils aillent se faire voir. Je sais que tu m'en veux. Mon séjour à Marseille ne devait durer que quelques semaines, et cela fait déjà 6 mois que tu m'attends. Mais rentrer maintenant serait criminel. Mon amour, donne-moi encore quelques semaines. Ne me quitte pas. J'ai besoin de toi. Février 1941. Malgré une étroite surveillance policière, Varian Fry continue son travail. Les nouveaux bureaux du Centre américain de secours, situés boulevard Garibaldi à côté de la Canebière, connaissent même une activité intense. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement délivre enfin des visas de sortie pour quitter la France. Ils sont indispensables aux voyageurs qui détiennent un visa pour un pays étranger et qui ne sont pas sur la liste noire de la Gestapo. Pour la première fois, Fry organise légalement l'émigration de certains de ses clients. Jean-Bertin Grandcru, Châteauneuf-du-Pape. Qu'est-ce qu'on fait de Varian ? Votre visa de sortie. Quoi ? Vichy nous laisse partir ? Oui, ça y est. J'y croyais plus. Après 5 mois d'attente. Je vous raconte pas l'enfer bureaucratique que ça a été pour les obtenir. Un cauchemar. Ah bon ? Je pensais que Vichy serait content de se débarrasser d'individus indésirables comme moi. Bon, j'espère vous trouver des places pour la Martinique le mois prochain. La Martinique ? Oui, Fort-de-France, et ensuite vous pourrez prendre un autre paquebot pour New York. Mais combien va nous coûter cette croisière ? Ça doit être hors de prix. Ne vous inquiétez pas, votre ami Peggy Guggenheim prend tout en charge. Allez, santé, André. À votre voyage. Merci, Marianne. Le 24 mars 1941, sur le quai de la Joliette rempli de monde, André Breton et sa famille, encadrés par des gardes mobiles, embarquent sur le capitaine Paul Lemerle. Ce vétuste cargo de marchandises a été transformé en paquebot. Ses soutes comprennent des dortoirs pour 250 passagers. Varian Fry a réussi à faire embarquer 40 clients du CAS. Quelle tristesse au départ. André Breton, Victor Serge, Wilfred Olam, Germaine Krull, Anna Zegar sont embarqués comme des forçats sous la surveillance et les injures des gardes mobiles. Certains semblaient ravis de les voir partir, tous ces artistes et intellectuels. Pour des barras, racailles, métèques, leurs insultes me glacent encore le sang. J'en peux plus. Les cadences au bureau sont éprouvantes. J'ai tout le temps faim et sommeil. Pas le temps de me reposer. Le prochain paquebot part déjà la semaine prochaine. Le 29 mars 1941, le gouvernement de Vichy crée le commissariat général aux questions juives. À sa tête, Xavier Vallat s'occupe également du sort des Tziganes, qui sont internés avec des étrangers juifs, notamment dans les camps d'Argelès-sur-Mer et de Rivesaltes, en zone sud. Dans les semaines qui suivent, la tension monte d'un cran à Marseille. Tous les hôtels de la ville sont visités par la police. Les rafles se multiplient dans les rues, les cafés et les restaurants. Les Juifs sont interpellés et conduits à la préfecture pour vérification de leur identité. Bella Rosenfeld vient de contacter Varian Fry. Son mari, le peintre Marc Chagall, qui était venu à Marseille chercher son visa américain, a été arrêté. Oui, je voudrais la préfecture, s'il vous plaît. Allô ? Oui, Varian Fry, du Centre américain de secours. Écoutez, je viens d'apprendre que M. Marc Chagall a été arrêté. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information ? Ah, vous n'êtes pas au courant ? Ah, vous ne savez pas qui est Monsieur Chagall ? Non mais écoutez, il est très célèbre, c'est l'un des plus grands peintres du monde. Je compte appeler mon ami Archambault, le correspondant du New York Times à Vichy. Et vous savez, la nouvelle va faire le tour du monde. C'est le scandale assuré. Et je crois que le maréchal se passerait bien de cette publicité. Oui, je peux épeler. Chagall. C-H-A-G-A-L-L. Ah, vous allez vous renseigner ? Non, non, non, non. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Oui, au plaisir, oui. Alors, j'étais comment, Naini ? Parfait. Et pour les autres, vous allez faire comment ? Les autres ? Quels autres ? Je vous ai remis mon rapport sur un couple l'autre jour. Léos Motrier et sa femme, Barbara. Léos Motrier est un journaliste juif, c'est ça? Oui, qu'est-ce que vous comptez faire pour eux? Je suis désolé, mais je crains que lui et sa femme ne rentrent pas dans les critères de l'ERC. Et pourquoi? Parce qu'ils sont pas assez célèbres? Non, Naini, je... Varian, je vous donne de l'argent, hein, beaucoup d'argent, et je ne veux pas qu'ils servent uniquement à aider des intellectuels ou des artistes connus, c'est compris? Centre américain de secours. Ah, bonjour, bonjour, madame Chagall. Ah, votre mari vous a appelé? Il a été libéré et va rentrer à l'hôtel. Ah, c'est une très bonne nouvelle, oui. Oui, je vais prévenir monsieur Fry, oui. Au revoir, Bella, merci. Fin mai 1941, l'étau se resserre dangereusement sur le centre américain de secours. Daniel Benedit, pris en flagrant délit en train de changer illégalement 2 000 $ en or, a été arrêté par la police. Il est en prison et attend son procès. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Suite à des accords conclus entre Vichy et Madrid, le contrôle aux frontières s'est sévèrement renforcé dans les Pyrénées-Orientales. Hans et Lisa Fitko, des passeurs du réseau de Fry, ont fermé la route F qui reliait Banyuls à Portbou, en Espagne. Au mois de juin, les paquebots restent à quai à Marseille. Le gouvernement a décidé de fermer définitivement la voie maritime vers la Martinique. La rue est tranquille. Personne. Tout semble normal. Mais cette boule dans la gorge ne me lâche pas. Le moindre bruit me fait sursauter. Je m'attends à ce qu'un policier surgisse et m'entraîne de force dans une voiture. Je devrais faire demi-tour et rentrer à la maison. La police m'attend sûrement au bureau. Je vais peut-être être arrêté, comme Danny. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire sans Danny? Tout est en train de s'écrouler. Les flics ont bien réussi leur coup. Je dois me calmer, réfléchir, trouver une solution pour sortir de ce cauchemar. Vous avez des nouvelles de Danny? J'ai vu son avocat hier. Selon lui, Danny risque entre 4 et 5 ans de prison. Oh mon Dieu. Danny qui est si prudent, je comprends pas ce qui s'est passé. Danny est persuadé que Dimitri, notre agent de change, l'a trahi. Dimitri l'aurait donné aux flics? J'avais négocié cette opération de change avec lui. Il m'avait fait une très belle offre. Je devais lui apporter de l'or, mais j'ai eu un imprévu. C'est Danny qui est allé au rendez-vous à ma place. C'était vous alors que la police attendait? J'en ai bien peur, c'était un piège. Quelle ordure! On va lui faire la peau. Naini, je ne sais pas si nos bureaux seront encore ouverts le mois prochain. L'avenir est incertain. Vous devriez peut-être songer à rentrer aux États-Unis. C'est quoi cette lettre? Merde, la préfecture. Vous êtes prié de vous présenter au bureau de l'intendant de la police de la région de Marseillaise, vendredi 18 juillet à 11h du matin. Le fait de ne pas répondre à cette convocation entraînera votre arrestation immédiate. Merde ! Merde ! La police ne prend plus de gants. C'est clair. Mes jours en France sont comptés. Varian Fry se présente à la préfecture. Il est reçu par Maurice de Rodelec du Porzic. Cet officier de marine est le directeur des services de police de Marseille depuis le 12 octobre 1940. Il supervise notamment le camp d'internement des Milles, situé près d'Aix-en-Provence. Vous contrariez beaucoup, mon ami, Hugh Fullerton. Je vois pas de quoi vous parlez. Mon ami, le consul, il m'a dit que votre gouvernement vous demande avec insistance de rentrer aux États-Unis. Écoutez, je me plais beaucoup à Marseille, je ne prévois pas de rentrer. Votre employé, Daniel Benedit, il est impliqué dans une sale affaire. Nous savons que vous êtes son complice. Mais ce que M. Benedit a fait ne concerne que lui. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Et quelles sont vos preuves? Ne faites pas le malin. Nous n'avons pas besoin de preuves pour nous débarrasser de vous. Ah ouais, je vois. Si vous ne partez pas de votre plein gré, nous vous mettrons hors d'état de nuire, d'une manière ou d'une autre. Vous ne me laissez pas vraiment le choix. Non, soyez raisonnable. Vous devez partir. Et j'ai combien de temps pour organiser mon retour? 15 jours, tout au plus. Il est temps que vous laissiez les Français tranquilles. Votre nom, ce n'est pas très courant. Varian Fry, c'est un nom juif? Non, je descends d'une lignée de protestants. Et vous savez ce que veut dire mon nom en allemand? Non. Libre. Varian Fry ne partira pas de son plein gré. Arrêté le 29 août 1941, il est expulsé le 6 septembre. En un an, son réseau a permis à plus de 2000 personnes de fuir la France. Parmi elles, Hannah Arendt, Marc Chagall, Stéphane Hessel, Max Ernst, Peggy Guggenheim, Marcel Duchamp, André Breton et Max Ophuls. En liaison avec le MI6, les services secrets anglais, Varian Fry a réussi également à faire sortir clandestinement de France près de 300 officiers et soldats britanniques. Après le départ de son patron, Daniel Benedict dirigera jusqu'en juin 1942 le centre américain de secours avant qu'il ne soit fermé par la police de Vichy. New York, 28 décembre 1942. Mon cher Danny, je pense souvent à vous depuis mon retour aux États-Unis. Les 12 mois que j'ai vécu à Marseille ont été si intenses. Je crois qu'ils ont changé ma vie à jamais. Aileen m'a quitté, mes anciens amis de l'ERC m'ont tous rejeté. Ils n'ont pas pardonné mes initiatives et m'accusent même d'avoir agi pour mon propre intérêt. Je me sens aujourd'hui amer, déçu, coupable. Ce que nous avons fait si peu. Nous avons aidé quelques 2000 personnes, nous aurions pu en sauver beaucoup plus. Je viens de publier un article sur le massacre des Juifs en Europe. Un de mes informateurs, qui est fiable, affirme que 2 millions de Juifs auraient été tués dans des centres d'extermination par des gaz toxiques. C'est effroyable. J'ai bien peur que d'ici la fin de la guerre, il n'y ait plus de Juifs en Europe. Mon article semble n'émouvoir ni ne choquer personne. J'ai honte de ce gouvernement qui se tait et de sa politique d'immigration criminelle. Plus que jamais, les États-Unis devraient ouvrir leurs frontières aux réfugiés. Cette indifférence générale me révolte. Varian Fry, un héros américain dans la France de Vichy, de Marc Elfer, avec Varian Fry, Sharif Andoura, Mary Jane Gold, Servane Ducor, la réfugiée Pascaline Baumard, Daniel Benedict, Eugène Marcuse, André Breton, Gabriel Dufay, le commissaire de police Philippe Bautier, Hugh Fullerton, Grégoire Tachnakian, Maurice de Rodelec du Porzic, Joachim Salinger. Bruitage, Sophie Bissans. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Pierre Henry. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Christophe Hoquet. Vous écoutez France Inter, autour n'importe l'histoire. On reprend la discussion sur Varian Fry dans quelques minutes avec mon invité Emmanuel Loyer. Mais voici que descend le soir, fait de grands doutes et d'espoir, de secousses passagères et de pénombre familière. Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. C'est un dernier bal qui se traîne sous un ciel maudit de carême. Serait-ce un phare ou ton signe sur lequel enfin je m'aligne. Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Raptures, raptures, raptures. Just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap, just rap un phare ou ton signe sur lequel enfin je m'allie. Je serai debout et face au vent. Je n'écrirai plus si souvent du groupe Marquis accompagné d'Étienne Dao sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Philippe Duclos. Emmanuel Loyer, c'est étonnant le parcours de ce jeune Américain, bien élevé, bien poli, arrivé à Marseille pour une mission de 2 semaines et qui finalement va y rester 1 an avant d'être expulsé comme un malpropre. En fait, il s'est frotté à l'illégalité. À l'histoire, oui, bien sûr. Oui, oui, absolument. C'est vrai que c'est un homme... c'est très étonnant et puis très touchant aussi, ouais. Parce que c'est toujours touchant de voir quelqu'un sortir de lui-même, de son histoire à lui, de sa culture, de son... Et c'est ce qui se passe parce que il rencontre l'histoire avec un grand H et il se rend compte à un moment donné que ce pourquoi il était venu, c'est-à-dire ses 200 noms, etc., n'est plus possible à effectuer tel quel et que surtout il est face à une situation où le désespoir finalement auquel il doit faire face. Oui, tous ces réfugiés qui viennent le voir, j'imagine, qui lui demandent de pouvoir partir aux États-Unis, il ne peut pas toujours répondre oui. Oui, alors c'est le grand moment des listes. Hein. Un nom qu'on met sur une liste, un nom qu'on retire d'une liste, évidemment, on sait que c'est une histoire de vie ou de mort. Et donc, il va contre lui-même, finalement, et contre son propre habitus, j'aurais envie de dire, il va devoir plonger dans l'illégalité, ce qui n'était pas la mission initiale, mais il se rend compte qu'il est dans un climat de guerre, avec une politique américaine, le département d'État qui ne l'aide nullement, et avec la police vichyste aux trousses. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Il doit trouver des billets, des visas, nourrir tous ces gens qui viennent à la Villa Herbel. En quoi ça consiste exactement son travail? Bah, c'est un petit peu en effet être l'interlocuteur finalement de ceux qu'il appelle affectueusement ses clients, ouais. Dont ils savent qu'il est à Marseille, qu'il se présente à lui. Et c'est vrai que lui doit finalement gérer cette équation très très délicate qui est à la fois, il faut qu'ils aient des visas américains, il faut qu'ils aient des visas de sortie français, il faut qu'ils aient une garantie comme quoi ils pourront gagner leur vie aux États-Unis. Et il faut qu'ils, en effet, qu'ils aient de l'argent pour acheter un billet sur un des bateaux qui part, s'ils partent de Marseille. Pour partir, c'était très difficile finalement, hein, c'est de réussir à devenir, si on peut dire, un exilé vers les États-Unis. Il fallait à la fois de l'argent, des relations... être une certaine notoriété. Une aussi. Certaine notoriété, on le voit très bien là, c'est d'ailleurs très touchant aussi. C'est vrai que le tamisage par la notoriété, voire par la célébrité, joue dans toutes ces associations, qui explique aussi que, bien sûr que les États-Unis, de toute façon, bon, mènent une politique restrictive d'accueil des réfugiés, mais les réfugiés qu'ils veulent bien accueillir doivent être des first class men, comme dit la Fondation Rockefeller elle-même. Donc, c'est pas seulement, y compris dans ces associations qui ont mandaté Marianne Frey, disons que c'est un savant mélange d'interconnaissance, de compétences, de notoriété et voire de célébrité, puisque là Chagall, qui finalement fait que vous allez être sur la liste. Mais clairement, les États-Unis veulent des gens qui vont apporter quelque chose au pays. On appelait ça en anglais cross-fertilization, l'idée qu'on ces gens de la culture et des arts européens, mais aussi les psychanalystes aussi, parce qu'il y a une émigration journaliste, ça vont les scientifiques féconder aussi, ouais. Finalement les scientifiques. Donc c'est vrai que la liste de Marianne Frey va très finalement, lui il avait une première liste, mais en réalité il a hérité d'autres listes aussi, parce que il y avait d'autres associations comme ça sur place, et donc il va également mettre en place des filières d'évasion. Et là, on entend parler de ça dans la fiction. Il y avait en gros deux routes. Oui. Il y avait la route de Marseille, le bateau qui part de Marseille avec une étape en Martinique avant de rejoindre New York ou Mexico. Et la route terrestre. Oui, jusqu'à... C'est-à-dire qu'on traverse les Pyrénées pour aller... On traverse l'Espagne, au Portugal et on prend le bateau de Lisbonne. Et donc ça, c'était un monsieur important aussi, là, qui a joué un rôle important. Vous en parlez dans votre livre, Emmanuel Loyer, c'est Kaminski. Oui, tout à fait. qui était lui le, c'est quelqu'un tout à fait étonnant dans un autre genre, qui est une sorte de polyglotte, un aristocrate russe. Lui, c'était le représentant de la Fondation Rockefeller. Et qui s'occupait donc de mettre les gens dans les bateaux, enfin de vérifier qu'ils soient oui, bien partis. Oui, pour le monde universitaire, pour voilà. Le monde des savants, que ce soit les sciences humaines ou les sciences dures. Est-ce que la position des Américains vis-à-vis des réfugiés va s'assouplir lorsque le pays va rentrer en guerre en décembre 41? Non, pas tellement, parce que finalement, après 42, ce sera... Non, le problème, si vous voulez, là, on voit bien dans la fiction aussi, c'est que les États-Unis ont une politique très ambivalente, mais vont garder leur ambassade à Vichy jusqu'en novembre 42. Oui, c'est ça, ils veulent garder aussi de très bonnes relations avec voilà. Pétain. Voilà, c'est ça qui complique considérablement aussi la tâche de Varian Fry. Et la Villa Herbel, c'est un lieu assez étonnant, toutes ces personnalités artistiques, intellectuelles qui ont séjourné là. À ce propos, je vous propose, Emmanuel Oyer, d'écouter André Breton, interviewé après la guerre sur son exil et sur justement sur Herbel. Durant l'hiver de 1940 à Marseille, Victor Serge et moi sommes les hôtes du comité de secours américain aux intellectuels, avec les dirigeants duquel nous résidons dans une spacieuse villa de la périphérie, Herbel. Nombreux, les surréalistes s'y retrouvent chaque jour et nous trompons du mieux que nous pouvons les angoisses de l'heure. Il vient là Bellemare, Bronner, Char, Dominguez, Max Ernst, Herold, Itkin, Lam, Masson, Perret, si bien qu'entre nous, une certaine activité de jeu reprend par moments le dessus. C'est de cette époque que date en particulier l'élaboration à plusieurs d'un jeu de cartes dessiné d'après des symboles nouveaux correspondant à l'amour, au rêve, à la révolution, à la connaissance, et dont je ne parle que parce qu'il a l'intérêt de montrer ce par rapport à quoi, d'un commun accord, nous nous situons à ce moment. André Breton, en 1951, qui s'exprime extrêmement précisément, sans doute il lit un texte. C'est étonnant, cette vie qu'il recrée comme ça, une espèce de mini-bulle surréaliste, sous le gouvernement de Vichy, à Marseille. Ça c'est un petit peu la pratique aussi de la sociabilité surréaliste, mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer la perspicacité politique d'André Breton, qui, au même moment, essaie de publier un poème Fata Morgana et aussi l'anthologie de l'humour noir, ce que je trouve être tout à fait un à-propos historique total. Et il se rend très bien compte, contrairement à d'autres, que la France de Vichy ne réserve rien de bon pour les mois et les années qui viennent. Et il est donc absolument décidé à s'exiler, alors même que c'est quelqu'un qui est difficilement exilable, au sens où il ne parle pas du tout anglais et il ne le parlera jamais. Enfin, il était très attaché. Il y a beaucoup d'intellectuels qui restent en France, qui vont s'accommoder du système. Oui, tout à fait. Mais même des gens comme par exemple André Gide, qui vont comprendre assez vite, mais pas tout de suite. Tout de suite. Breton, lui, sait très bien que l'atteinte à la liberté d'expression annonce des restrictions encore plus grandes, et il a une analyse politique tout à fait étonnante. Il réussit à partir, donc on l'a entendu, le 24 mars 41, ce fameux bateau qui prend la route pour la Martinique d'abord, avec à bord notamment certaines célébrités comme Claude Lévi-Strauss, Victor Serge. Oui, enfin Lévi-Strauss à l'époque, il n'était pas du tout célèbre. Ils sont devenus célèbres. Voilà, c'est plutôt André Breton qui était très célèbre, mais lui c'était un jeune ethnologue tout à fait impressionné. Enfin, aussi parce qu'il était remarqué qu'il a pu partir. Alors lui, il faisait partie, ce n'est pas un client de Varian Fry, il fait partie des listes de la Fondation Rockefeller, qui cherchait plutôt là moins des célébrités que des jeunes savants dynamiques, capables, disons, prometteurs, voilà, c'est ça, qui resteraient aux États-Unis. Ils vont être internés dans des camps à la Martinique. Ça ne va pas être la Martinique qui est alors gouvernée par des pétainistes assez durs. Tout à fait. Et ils réussiront quand même à... De partir là, à New York. De là, finalement, ils rejoindront New York. Mais c'est vrai que cet épisode de la Martinique est très bien raconté, d'ailleurs, ou bien dans Triste Tropique, ou bien dans Martinique. De Claude Lévi-Strauss. Oui, de Claude Lévi-Strauss. Auquel vous avez consacré une biographie qui fait référence. Voilà, donc c'est vrai que c'est un épisode tout à fait intéressant, parce que, juste pour la curiosité de nos auditeurs, il se trouve que il reste à peu près un mois en Martinique. Et Breton et Lévi-Strauss, qui se sont rencontrés sur le bateau, vont à ce moment-là rencontrer Aimé Césaire. Oui. je vous dis. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont passer le reste de la guerre aux États-Unis. Il y a surtout des Allemands qui vont partir grâce au réseau de Fry, mais aussi donc des Français. Beaucoup de ces Allemands, je crois, c'est le sujet de votre livre, vont rester aux États-Unis, alors que la plupart des Français, eux, reviendront en France. Oui, disons que l'émigration intellectuelle, culturelle, européenne, dans laquelle donc on a des artistes, des intellectuels, des universitaires, des journalistes, etc., des syndicalistes, etc., etc., en effet, est à 80%, 90% germanophone. Et après 45, en effet, il y a une grande différence de destin entre les Allemands qui vont presque tous rester aux États-Unis, s'implanter pour de bon aux États-Unis, tandis que les Français voudront retourner en France. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs raisons, mais les Français sont persuadés finalement que il n'y a pas encore cette analyse de la France de Vichy, où Vichy a finalement non seulement obtempéré, mais même participé activement à cette politique antisémite, à toutes les... Donc ils pensent que voilà, la France a été occupée par les nazis et qu'ils retournent dans une France qui les acceptera, notamment quand on est juif. Hein. Alors que du côté allemand, on est beaucoup moins certain de vouloir retourner dans une Allemagne, même si elle est en voie d'être dénazifiée. Et que deviendra Varian Fry? On a entendu juste à la fin de la fiction qu'il va écrire un article en décembre 42 dans un journal américain, le massacre des Juifs, qui informe les États-Unis de la mise en œuvre de la solution finale. Il y a déjà 2 millions de Juifs qui ont été assassinés à ce moment-là. Il n'a pas été écouté. Alors l'histoire de Varian Fry, je trouve, est assez triste et presque un peu pathétique, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de tout à fait étonnant, et il est extraordinairement rare, c'est presque unique, enfin il y a très très très peu de textes qui, de façon aussi lucide, finalement décrivent le génocide qui est en train de se passer et qui va se poursuivre. Donc il fait preuve d'une perspicacité et d'un courage très grand. Évidemment, il n'est pas entendu, pour des raisons qu'on pourrait élucider. Et finalement, il poursuit une vie un peu mélancolique après 1945. Sa femme le quitte. Aileen. C'est quelqu'un qui a été profondément bouleversé par cette expérience, qui a été transformé, métamorphosé par cette expérience, et qui ensuite, finalement, n'arrivera pas à véritablement... retrouver une vie normale. Il aura quand même des ennuis pendant le maccartisme, ce qui est tout à fait paradoxal, parce qu'il était très anticommuniste, tout en étant de gauche. Et donc, voilà, il mène une vie assez anonyme, finalement. Bon, il continue à écrire. En 1967, il meurt, et il faut attendre 1997 pour qu'il reçoive, à titre posthume, la médaille des Justes. Voilà. Et donc là, on est sur des chronologies décalées, si vous voulez. Sa biographie, il meurt en 67, et c'est seulement dans les années 70-80 que, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, se réveille, disons, une mémoire juive, avec mise en place de mémoriaux, etc., qui vont retrouver les acteurs, finalement, de ces sauvetages. Merci beaucoup, Emmanuel Loyer. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de Paris à New York, Intellectuels et artistes français en exil, 1940-1947, édité chez Grasset, et également en poche chez Hachette Pluriel. Et vous êtes l'auteur de la biographie de Claude Lévi-Strauss, parue en 2015 chez Flammarion, qui a été récompensée par le prix Femina Essai. Et à lire également de Varian Fry, justement, livré sur demande, quand les artistes, les dissidents et les juifs fuyaient les nazis, édité chez Agone. Autant n'importe l'histoire est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter notre émission, la podcaster, sur notre site franceinter.fr, où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Louise Michel, lorsqu'en mars 1871, la républicaine, féministe, pédagogue, poétesse, amie de Victor Hugo, troque sa robe noire d'institutrice pour l'uniforme de la garde nationale et s'engage dans le combat de la commune. Louise Michel, soldate de la commune, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.